Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, 2h01 du matin, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 08 5000 et 0800 308 5000. C'est Manu qui va vous accueillir au standard, les bras oui, ouverts. Je suis là. Et donc je pense que ça sera mieux qu'au premier débat, je l'espère. Espérons, c'est pas gagné. Et donc on venait de s'écouter la plus grosse poitrine de Suresne avec un dégât des eaux. Et il y a toujours Rigaud qui est sur l'IRC, donc www.funradio. Et là c'était un thé-remix, Gérard, hein. C'était pas la plus grosse poitrine de Suresne. Ouais, non mais c'était le premier parce que le deuxième je l'ai pas eu, d'accord, merci. Bah, c'est un remix de toi, donc. Donc voilà, et donc on a toujours Rigaud qui est au stand. Voilà, sur l'IRC. Salut Rigaud. Et salut à tous. Ça va, wesh, wesh. Salut, ouais, ça va, tranquille, pépère. Je voulais passer quelques bonjours quand même à tous les gens qui sont là quand même. Si, on peut saluer les gens de l'IRC. On va saluer Yankee, Arnett, Philippe des To Be Free quand même, c'est quel honneur. Jarvis Cooker, Oxide, Prez, Youpla, Booba Fett, Olaf Cool, Turpentine, j'en oublie, Terry, Spiral, Tony. Tachat, Cyril, Terry, etc. Ok. Et donc. Mac Christo. D'accord. Ok. Donc, ben. Et Ethan. Ok, c'est bon. Il y en a plus d'autres? Cyber 7, bah tu sais, on est quand même 4822, donc je cite tous. Bah balance tous les noms, Rigaud. Non, okay, non, mais c'est okay. Bon, on a Worldboss, on a Oxide, on a Delight. C'est bon, on salue tous ceux qui sont, tous les gens qui sont sur RC, c'est-à-dire les... Une bulle de bonbons, choupa-choups. Alors, Fuldar. Non, c'est pas moi. Non, tu commences pas, s'il te plaît, d'accord. Donc on va saluer tous ceux qui sont dessus, donc les 4822 personnes. C'est et on fait. Va saluer tous ceux de la Belgique aussi, s'ils pouvaient nous appeler au 00331 47 79 5000. On salue aussi tous les Belges qui sont sur l'IRC. Alors il y a Davy, il y a Ethan aussi qui est belge apparemment. Mm-hmm. Et il y en a plein quoi. Il y a Perforas aussi. D'ailleurs, il m'a dit qu'il t'invitait à Fort Bayard. D'accord. D'ailleurs, Gérard, il va falloir que tu fasses une dédicace pour tous les internautes. Non, ben, on verra ça plus tard, d'accord. Donc, on va accueillir Jocelyn Le Haran. Allô. Oui. Salut. Allô. Putain, il recommence celui-là ou quoi là. Je sais pas, ça va venir de lui. Mais on t'entend peut-être pas, je sais pas. Allô. Jocelyn Le Haran. Allô. Salut. Salut. Comme toi. Salut. Salut, Coca de Pâques. Non, Caca de Pâques. Caca de Pâques, pardon. Oui, salut à toi, camarade. Trou du cul. Je t'emmerde. Ben, je t'emmerde, moi aussi, connard. Non, je te remercie, putain, lève-toi les oreilles. Oh, tu pars sur un autre tourne, d'accord. Bonsoir à toi. C'est pas ça, il t'emmerde quand même. Lâche ça ton feu. Oh. Elle a chagate. Lâche ça ton feu. Je suis là. Salut, et ping-pong pour terminer. Salut Gérard, salut Manu, salut Fidar, salut Gigi Goré. Salut Gigi Goré, le pauvre, comment tu t'appelles? Ça te fait marrer? Non, mais ça me fait pas rire, c'est con. Rigaud, t'as oublié Delight, Green Day aussi sur non, ta non, mais ça y est, on se calme un peu là. Putain, mais vous allez vous calmer ou quoi là? Bonjour, hein, bâton. Allô. Bon, alors, le thème du deuxième débat porte sur les grèves. Allô. Merde à toi, celui qui dit allô. Faut faire la grève, moi, je dis. Alors, tu penses... Il l'avait de la bonne grève. Moi, j'en veux. Tu en veux-tu de la bonne grève? S'il vous plaît, les auditeurs, j'aimerais bien qu'on se calme, parce que le premier débat était de la merde. Non, grâce à toi. Le deuxième, ça sera peut-être de la chaise. Ouais, ben, j'espère pas, parce que c'est Manu qui est au standard, et avec Manu, vous allez pas rigoler longtemps. C'est bien qui vous le dit. Salut, c'est moi. Salut. Donc, la première question, que pensez-vous des... Ah, il est pas possible. Putain, mais il nous fait chier, ce mec. Je vais le... Allô, hein, Gérard, je vais le trouver. Enchaîne ta question, je vais le trouver. Alors, que pensez-vous des grèves de nos jours ou nos nuits? À quoi cela sert-il? On va demander... C'est tout ce que tu dis. Je sens le hareng. Alors, moi, je vais te dire que je pense que de nos jours ou de nos nuits, les grèves, je pense que ça sert strictement à rien. Mm-hmm. Parce que, tu vois, ils bloquent les passagers sur les quais de métro ou même de bus. Et quand ils veulent se rendre à leur travail, c'est quand même assez difficile. C'est pas le hareng qu'elles font, elles. Et de plus, la nuit, c'est difficile parce qu'il y a moins de monde. D'accord. Donc, comme toi. Ça peut pas faire grève. Ok. C'est... Attends, je m'excuse parce que je t'ai coupé parce qu'il y en a un qui s'amuse à parler sur toi. Celui qui est... Celui qui... aussi quand tu fais caca. Celui qui s'amuse à reparler quand les gens parlent, je vais pas chercher midi à 14h. C'est clair, net, précis. Le premier qui déconne va dégager. Je vais pas chercher. Comme toi. Gérard, tu penses aussi quand tu fais caca? Comme toi. je suis là. Tu réponds ? Oui, ben, je te réponds. Ils font la grève parce qu'ils ont que ça à foutre. Ils sont payés à rien foutre. Non, mais que pensez-vous des grèves de nos jours ou de nos nuits ? Oh là là là. Bon, oh, oh celui, hey, ça y est, vous arrêtez quand les gens y parlent, s'il vous plaît. Bon, ça y est. Bon, alors, caca de Pâques. Ouais, c'est caca de Pâques. Ben écoute, je pense que tous les camarades ont droit à la grève. Hein. Je pense que c'est un droit auquel tous les camarades ont droit, c'est le cas de le dire. Et faites la grève, moi je dis un maximum. Hein. Ouais, garder, d'accord. Faut emmerder le monde, faut faire chier les gens, faut que ça bouge. Mais ouais, ouais c'est ça. Tu crois qu'on n'est pas assez emmerdé avec. Mais attends, les routiers sont les premiers à faire la grève, je crois. Ah que... ouais, non mais attends, pour l'instant c'est pas les c'est peut-être les routiers qui ont commencé les premiers. Je suis d'accord avec toi. Mais faut dire une chose, que maintenant les routiers ils ont obtenu satisfaction. C'est pas eux qui commencent. Maintenant c'est la RATP, la SNCF. Et alors ils ont droit de faire grave aussi. D'ailleurs c'est aujourd'hui, Gérard. Tu te rappelles l'article qu'on a vu dans le journal ? Non, c'est aujourd'hui, c'est commencé depuis 20h ce soir. Ouais. Donc je pourrais vous dire à peu près, pour ceux qui auront l'occasion de se déplacer, je pourrais vous donner des... Où il ne faut pas aller. Non, je pourrais vous donner à peu près les trains, combien qu'il y aura de trains qui circulera et autres, mais... Ça, c'est bien, ça, Gérard. Un peu plus tard, pas lors de la première question. Attendez, s'il vous plaît, séance, calme. S'il vous plaît, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si ton école, elle était en grève pendant que t'as fait pendant toute ta scolarité. De toute manière, je vois pas du tout le rapport avec la question. Mais Gérard, c'est trop du cul aussi. Non, mais attends, tu permets. Attends, c'est caca de Pâques, j'avais pas fini. Ouais. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'encourage tous les gens à aller voir les camarades sur les piquets de grève pour leur amener des merguez et des cronenbourgs parce qu'on se les gèle et on se fait chier, quoi, quand même. Non, mais attends, là, je crois que tu vas un peu loin, toi, quand tu réponds. Moi, j'appelle tous les gens à aller bloquer les voies de métro et de RER demain. D'accord, eh ben, fais comme tu veux, toi, mais on moi, c'est pas. Les camarades. Mais oui, c'est ça. Et je pense que tu devras aller pousser à travers de la voie, ça sera un bon débat. Trop du cul. Ouais, moi, je pense que la grève, c'est très très bien. Et on devrait la faire plus souvent parce que ça remercie bien le monde et c'est bien sympa. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de grève, il y a Yankee sur IRC qui me demande ce qui est dommage avec GG, c'est que chez lui, c'est le cerveau qui est en grève. On va savoir ce que t'en penses. Alors, trou du cul, si tu réponds aux questions de l'IRC, tu restes chez toi, d'accord ? Bah non, mais... C'est pas la première question que tu as commencé à foutre ta merde parce que tu as dégagé là maintenant. D'accord, je te le dis tout de suite. Laisse ton feu. Ben en fait, ouais, la grève ça sert un peu à rien. Si on l'a fait pendant un mois, ça peut marcher, mais sinon... Non mais là je peux te dire que pour l'instant ils parlent de la faire jusqu'à vendredi soir, mais ils peuvent ça peut aller plus loin. Hein. Mmh. Ça peut sortir de la radio. Tu sais qui vient de dire ça ? Qui Allô vient de dire ça ? J'ai pas vu moi. Ah c'est pas moi quoi. C'est pas moi. Il y a la grosse qui a parlé mais. Attends la grosse ça t'emmerde connard. Voilà, alors ping-pong. Ouais, moi je dis que la grève c'est excellent, quoi. Faut foutre le bordel, faut descendre dans la rue. Dès tout de suite, on devrait faire le blocus général. Là. Non, mais c'est bien la grève. Faut descendre avec les pancartes, là, voilà. Les crochets de boucher, là, faut les emballer tous ces mecs là. Ah, mais moi. Sur les non, mais c'est clair, faut foutre le souk, quoi. Non, mais moi je peux. Non, mais foutons le bordel. Non, mais de toute façon, je pense que demain. Tous la grève et puis c'est tout, hein. Demain, je vais aller faire une grève, je vais me mettre sur les voies du RER et puis ça va être bien. Ben, okay. C'est clair, voilà. Voilà. Ben voilà. Non, mais moi je peux. Tu fais ça, je pense que j'y arriverai moi tout seul. Allons-y, camarade. Ben ouais, allons-y. Révolution. Unissons-nous, quoi. J'ai rien, moi, à dire. Donc, moi je pense que ceux qui s'amusent à faire grève, c'est qu'ils se rendent pas compte. Eh, Dark Vador. Oui, vas-y, parle, on t'écoute. Fildar, fais gaffe parce que tout à l'heure tu as dégagé toi. J'ai rien fait. Donc, je disais que les grèves ça sert à rien parce que ça fait chier le monde. Alors, je peux vous dire. À l'heure actuelle, depuis ce soir 20h, et c'est jusqu'à samedi 8h du matin, donc voici les premières prévisions des trafics. Donc TGV Sud-Est et Atlantique, un train sur trois. TGV Provence sur... À quelle heure aussi ? Ouais, tu dis pas... Oui, bonjour, je voudrais habiller pour Valence, s'il vous plaît. Oui, le petit Gérard, attends, ça m'a l'air à l'accueil. Oh là là, c'est Renaud. Ça commence à être relou celui qui parle sur moi. Ouais. Donc TGV Provence, un train sur trois. TGV Paris-Lille, légère perturbation. Thalys, Paris-Bruxelles, Amsterdam, Cologne, trafic normal. Eurostar, Paris-Londres, trafic normal. Eurostar, Lille-Bruxelles, trafic normal. Et trafic. Fildar, s'il te plaît, tu vas. Et moi, je t'emmerde, espèce de fils de... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non Ok. Et très grande ligne, un train sur trois en moyenne, et transports express régionaux TER, trafic très perturbé, avec en RER, moyenne un répète, train... RER. Non, trafic, non, TER. Et le RER, il s'est pas écrit. Si, mais il y a Tony sur RC qui me demande le RER A, et moi je voulais savoir Trafic normal. Et le B. Le B, un train sur quatre sur la branche nord entre Gare du Nord et Roissy. Et le F. Et le F. Il n'y a pas de F, espèce de con. Ah, pardon. Mais toi, si tu veux prendre le F, toi, t'en as pas besoin. Et si sur la ligne 15, il y a des F. Gérard. C'est qui? C'est Caca de Pâques, oui, j'ai une question. Je suis à Dansaire-Rocheux, je vais aller me faire sucer par une pute à Pigalle. C'est où le changement? Tu te démerdes. Trop du cul. Bon, ça y est, je peux poser l'heure des grèves. Payez-vous votre titre de transport. Putain, Filard. Vas-y, c'est Manu. Ouais, ben, j'essaye, hein. T'essayes de le gérer, s'il te plaît. Je suis en train de faire. Attends. Allô, tu sais qu'il y a le téléphone, les mecs, ça se fait pas. Bonsoir, je voudrais avoir un renseignement, s'il vous plaît. Je voulais savoir si la gare Montparnasse était ouverte. Ah, il se renseigne. Alors, pas du tout, monsieur. Pas du tout pour ce soir. Très bien, je vous emmène. Au revoir. Ouais. Ouais, alors, la deuxième question. Lors des grèves, payez. Rigo, une question hier, c'est avant. Oui, il y a Turpentine qui te demande est-ce que c'est plus facile d'avoir la grève l'hiver? Ben, ça pèse plutôt les gens. Faut mieux qu'ils se mettent en grève l'été, ça serait. Sinon, ils mettent une écharpe. Non, mais en hiver, c'est plutôt chiant que de la faire en été. Donc, lors des grèves, payez-vous votre titre de transport? On va demander à Ping Pong. Ben non. Ben non, puisqu'on fait la grève, donc. Non, mais tu peux préciser? On fait punaise, vous allez. Vu qu'on fait grève, on risque pas de payer le type de transport abruti. Alors abruti, t'emmerdes, tu dégages. C'est bon, tu dégages, ça t'apprendra. Au revoir Ping Pong. Au revoir Ping Pong. Non mais attends, tu as encore une réponse con. Voilà. Tu fais des questions à deux balles, faut t'attendre à des réponses. Terminé pour lui. Attends, il a dit abruti, il aurait pu dire ça. En plus, il est en train de jouer, c'est une honte. Non mais c'est bon, il peut dégager. C'est qui joue au Ping Pong là? Il aurait pu dire enculé aussi, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu dire bien d'autres choses encore. Hein. Bon. Bon, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Pour l'instant, quand ils se calmeront, on continuera le débat. Alors là, c'est en feu. Ouais. Donc pour toi. Bah oui, ouais, je suis d'accord. Tu peux préciser? Non, mais si tu dors, tu dis tout de suite, on va te laisser dormir. Hein. Bah. Gérard, je vais te choper à la sortie de la radio, t'as ta gueule. On va te niquer. Force la chatte. Manu, s'il te plaît, tu me gères un peu ça, parce que ça commence à être lourd. Pour l'instant, on accueille à la place de ping-pong, on accueille badminton. Ouais, non, mais attends, Manu, tu me prends d'autres personnes que les mêmes, hein. Bah non, c'est pas le même. Salut. Badminton, c'est pas ping-pong. Bonsoir à tous. Salut, badminton. Bonsoir. Alors, trop du cul. Ouais, trop du cul. Tu disais, ouais, non, moi je paye jamais le métro, je paye jamais. Ouais. Non, tu peux préciser. Il fraude. Je suis un sale fraudeur, hein. Je suis un enfoiré, mais je m'en fous, je paye pas. Voilà. Je vais pas payer le métro, faut pas déconner non plus. C'est dégueulasse, il y a du monde, ils font chier. C'est... On voit des gens comme toi, non, c'est pas possible le métro, franchement. Je jouais pas. Alors je préviens que celui qui recommence, ça va être clair, il est 2h13, soit que vous vous calmez, soit que vous vous calmez et que vous répondez correctement aux questions, ou soit je m'arrête là et je rentre chez moi. Vous choisissez, ok? Alors on va demander à Caca de Pâques. Ouais, ben, c'est comme mon camarade, déjà je paye pas en temps normal, tu crois pas que je vais raquer les jours, il y a grève en plus. Tu sais qui s'amuse à faire des conneries comme ça? Bah c'est toi. Non, c'est pas moi qui s'amuse à faire des bisous, d'accord? Ah, ok. GG, c'est Caca de Pâques, j'ai un plan pour toi si tu veux. Si t'as des PV, des contraventions à faire sauter par les contrôleurs, je peux t'arranger le coup si tu veux. Non, mais j'ai pas besoin de toi, merci. S'il te plaît? Comme toi. Sauter comme ça, c'est ça? Vas-y. Je paye pas le bus sur la grève de bus parce qu'il n'y a pas de bus, donc j'ai pas à payer. Mmh. Ok, mais c'est tout ce que t'as à dire. Bah oui, il n'y a pas de bus, donc j'ai pas payé un ticket de bus. Je vais pas prendre de Manu, je sais pas ce que tu fous, mais c'est pourri hein, le standard. Bon, allez, on enchaîne. Non, mais attends, il est moins pourri qu'avec toi. Moi, attends, j'ai un gros problème. Ah. Ils ont tous fait grève. Non, je suis tout seul. Ah bah d'accord, ils font grève sur internet, bien joué. Ils ont bien raison. Hein. Ah, c'est pas mal. Je sens le hareng pour finir. Alors... Gérard, j'ai un problème, ils ont tous fait grève au standard. Bon, là, moi j'arrête. Comment je fais? Hop, Gérard, t'as l'heure s'il te plaît? J'arrête. Ah, il en reste un apparemment. Ouais, moi je sais pas où il est. Non, mais t'as gerbé tout le monde donc j'arrête, allô, c'est terminé. Allô. Non, mais ils sont là. Allô. Ma gueule! Trop du cul. Allô. Le connard. On entend plus le connard là. Ah non, mais moi là j'arrête hein. C'est plus la peine. C'est pas la peine là. Non, non, mais j'arrête parce qu'il y en a. Y en a c'est l'autre. Pas moi là, non, j'ai rien fait moi. Ah, ils sont tous revenus. C'était une grève. Ah, c'était une grève. Alors, je sens le hareng pour. Juste une minute. Combien il y a de connectés? Là, on est à 4028. Oh quand même, hein. Non, on a perdu un peu, mais c'est déjà beaucoup. Donc, je sens le hareng pour toi. Eh, hey, tu viens chez moi après, Gérard. Je sens le hareng. Tu réponds. Mais à l'école, celle-là, elle répond jamais aux questions. Non, mais c'est juste une, t'étais pas content. Bah, réponds aux questions quand on dit. Justement, je réponds, mais tu me laisses pas parler. Maintenant, vous fermez vos gueules, vous laissez parler les gens. Eh, tu viens chez moi après, Gérard. Moi, je t'emmerde. Alors, je sens le hareng. Donc, pour la troisième fois, je réponds à ta question. Donc, non, je mets jamais de ticket, parce que déjà, le ticket, ça coûte énormément cher, ça coûte 8 francs. Et moi, j'ai pas 8 francs à mettre pour un ticket. Et de toute façon, j'aime pas les fonctionnaires. D'accord. Ah ben, c'est bien, parce que moi non plus, c'est que je suis pareil. Moi, les fonctionnaires, je dirais un seul mot, mais je peux pas le dire. Ouais, je sais qu'on les emmerde. Eh ben moi, je le dis pour toi. Bravo. Donc moi, tous ceux qui sont fonctionnaires de la RATP, eh ben n'ayez crainte que vous nous faites chier. Je sais même pas pourquoi qu'on paye un titre de transport avec vous. Parce que là, vous nous faites chier en fin de mois et en début de mois, vous allez nous coller des amendes alors que c'est vous qui nous faites chier. Alors ouais, ça sert à rien. Gérard, je voudrais savoir un truc. Tu sens le hareng, c'est ça? Elle paye pas dans le métro, c'est bien ça? Non, mais elle paye. Alors comment tu fais pour rentrer dedans? Dans les portillons. Comment tu fais pour rentrer dedans? Je tape sur le mec et puis voilà, je l'avais dit. Tu pues. Non, mais comment elle fait pour rentrer dans le métro si elle paye pas le ticket? Ça y monter. Non, mais de manière. Tu vas pas te faire sur l'escalade. Attendez, là. Qui c'est qui demande ça, là? Je sens le hareng. Bon, tu peux préciser ton nom, s'il te plaît, merci. Non, mais même, de toute manière, maintenant, il y a des portillons, tu peux essayer de... Trou du cul. Ouais. Calme, tu disais, Gérard, donc, des portillons, machin. Non, il y a des portillons que tu peux essayer de passer dès qu'il y a des gens qui sortent, hein, maintenant. Gérard, c'est badminton, j'ai pas répondu, je peux répondre. Ouais, bah vas-y. Ouais, moi donc, je paye pas mes billets de transport, j'en fais en papier. Hein. Voilà. Attends, j'ai mal compris la question parce qu'il y en a un qui s'amuse à. Je paye pas mes tickets de transport, je prends un paquet de clopes et puis je découpe et puis je passe direct. Ouais, d'accord. Un coup de feutre et puis c'est bien. Gérard, si t'as des amendes, je peux te les faire sauter si tu me laisses te faire sauter le cul. Bon, bah là, tu vas te faire foutre, toi, abruti. Ah, mais c'est gentil ce qu'il dit. Bah, si t'as des amendes, hein, c'est pour toi, hein, moi je m'en fiche, hein, c'est dans ton intérêt. Non, tu me laisses, c'est comme le cul, ça se lave. Voilà. Oh, ouais, vous restez poli parce que sinon je vais virer tout le monde et je vais en garder qu'une, hein, tout à l'heure. Eh, Gérard, c'est moi, Fildar. Tu veux un. Un bubblegum, gros et tout mou. Non? Non, mais je crois que toi, tu vas plus être là, hein. Donc, il y a une question hier soir sur. Pour la une réponse. Peut-être des informations là-dessus? Oui, non, peut-être pas là-dessus, mais. Est-ce que quand tu pointais à la NPE, ils étaient en grève? Non, mais ça, la question va y venir aussi. Alors, je vois pas du tout. Tu peux pas répondre. Ben, on va y venir. Ah. On va y venir sur cette question-là, donc ça sera que la neuvième. Alors donc, on a le temps, Manu, Vrigo. Il y a Delight qui te dit que tu dois pas t'inquiéter si tu reçois une amende de la RATP parce qu'il a filé ton nom et ton adresse quand il s'est fait attraper. Mais c'est ça, ben c'est bien. Alors, troisième question. Avec quel. Ça y est, celui qui s'amuse. Allô. Il y a un mec qui a une double ligne. Hein, Manu. Je m'excuse de vous déranger. Je rappelle des gens là, Gérard, donc je vais gérer après la double ligne. Non, mais faut quand même gérer en même temps. Ouais, quand même que t'accouches, Manu. Hein. Alors, avec quel moyen de transport vous déplacez-vous lors des grèves? On va demander ça. Oh, il se fait là. Voilà. Récupère ton briquet et leur lance plus comme ça. Arrête un peu. Toi, la semaine prochaine, c'est plus toi ici. Non, je suis pas. C'est terminé pour toi. Je suis pas un putois. Hein. Ouais, bah, okay. C'est terminé. Hein? C'est terminé pour ta gueule, je veux plus de quoi dans mes débats. C'est tout. Manu? Ouais, à la place de trou du cul, on accueille fromage de cul. Allô? Bonsoir. Ça tourne autour du cul, hein, le débat, là. Beaucoup. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, salut. Salut. Salut à toi. Salut, Flaco. Alors, donc, la troisième question. Avec quel moyen de transport vous déplacez-vous? Avec mon vélo à quatre roues. Alors, on va demander à Babington. Ouais, badminton, je te prie. Je me déplace en patinette. Ouais, mais non, mais tu peux préciser. À deux roues. Voilà. Ok. Là, ça t'en feu. Avec mes rollers. D'accord, ben c'est bien. Ouais, je pense que vous vous creusez pas trop la tête pour répondre aux questions. Hein. Bon, merci pour le Larsen, là. Je pense que vous avez pas l'intention de répondre aux questions. Hein, donc, mais si. Bah non. Si, mais ça y est, le Larsen, là. Alors, fromage du cul. Ouais. Fromage de cul, je sais pas quoi, là. Oh là, de l'arsène, oh ! Oh, le son. Ouais, arrêtez de l'arsène, là, c'est ouais. Bon, allez. Un petit peu de sérieux, là. Hélicoptère privé. Bon, allez, répondez. Oh, fromage, là. Ouais, ouais, je me déplace à pied, moi. D'accord. J'ai pas de voiture, j'ai rien. Ok, caca de Pâques. Ouais, caca de Pâques, ben, avec des chaussures du genre, bon, sans citer de marque, hein, sans citer de marque, des Nike, des Converse, des Cassettes. Ou des Reebok. Comme toi. Comme toi. Moi, j'ai une Mégane coupée, donc j'ai pas besoin de prendre les transports en commun. Ça, c'est pas bien, ça. Non, mais moi, je sens. Mégane coupée, c'est un peu merdique comme voiture, ça. Non, c'est vachement bien, t'es fou. Rigaud, non ? Y a Oxyde qui demande à combien on peut faire une grève. Bon, à plusieurs. C'est combien, plusieurs, c'est tous ceux qui sont. Vous pouvez être une vingtaine, cinquantaine, centaine, mille, voire 2000, 20 000 ou autre, et plus à la rigueur. Et il y a Davy One qui te demande, quand on fait grève, qui c'est qui fait le rôle du piquet? Bah, tout le monde. C'est tout le monde qui se met sur devant et qui empêche les bus de sortir. Ou c'est autre. Comme un ski alors? Non, pas spécialement, non. Il y a Ethan qui te demande si on peut faire grève tout seul. Ça, c'est dur. Parce que si tu fais grève tout seul... Tu y arrives, toi? Non. Ah, mais regarde, la grève de la faim, c'est des gens qui font grève tout seul. Ouais, non, mais ils se mettent... Après, ils se retrouvent à plusieurs quand même. Ils se font une bouffe. Non, mais ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Donc, voilà. Donc, je sens le hareng pour conclure sur le thème de la troisième question. Oui, alors moi, je me déplace souvent avec mon cheval tupé. Quoi? Je me déplace souvent avec mon cheval qui pue. Avec ton cheval qui pue? Qui pue. Il s'appelle qui pue. C'est quoi ça? C'est son nom, mon cheval, non? C'est le nom de ton cheval? Bah ouais, c'est mon cheval. Non, mais attends, mais elle est drôle ou pas? Mais c'est quoi là? C'est la réponse à la question? Bah, bien sûr, c'est la réponse. Gérard, tu devrais la dégager, hein, parce qu'elle répond pas à la question. Là. Oh, toi, je sens qu'il va t'arriver. Ouais. Tu vas finir son cul là. Tu as un cheval dans les rues de Paris, hein? Ouais, bah toi, je crois que tu vas finir sans culotte ce soir. Ouais. Alors ça m'étonnerait. Hein. Ouais, bah... Caquette entre les dents. C'est ce qu'on verra. La caquette entre les dents. Non, bah, attends, j'ai pas besoin de t'attraper pour t'avoir. Bah, on te voit, hein. Pas besoin de te trouver, hein. On sait où t'es. Alors donc, avec quel moyen vous déplacez-vous pour lors des grèves? Bon, ben, il y en a qui ont dit en roller, ça c'est vrai, mais je pensais qu'on allait dire souvent en vélo, ou même voire en covoiturage, parce que ça c'est... C'est quoi ça, Gérard? Le covoiturage, ouais. Donc c'est des gens qui habitent pas loin, qui sont à peu près dans la même société, qui s'appellent le soir pour comme là en ce moment. Là, je pense qu'on va parler, ça va en parler beaucoup du covoiturage. Donc ils s'appellent entre eux le soir et disent bon ben tu viens me chercher à telle heure le matin pour m'emmener au boulot. Mais tu peux faire du co-vélonnage ou du co-camionnage ou un truc comme ça? Du co-vélonnage, je pense pas. Du co-camionnage, c'est à peu près comme le covoiturage. Hein. Et peu près pareil. Donc, pour répondre à ça, donc je pense que le plus gros, c'est ou le vélo, ou le covoiturage qui se fait régulièrement lors des grèves. Et donc, on va poser la quatrième question et on se retrouve après. Alors, quatrième question. Pensez-vous normal que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées ou autres lors des grèves? Et on s'écoute le petit anus de Bobigny avec le chapeau de JR et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat et la fin avec toujours Manu au standard qui vous attend au 0870-5000 et toujours Rigaud sur le site internet. On est combien à peu près? On est 4832, on est remonté. Donc 4832 personnes pour... Et moi toi, j'ai même plus besoin de t'annoncer, quoi. Et voilà, donc, petite rectification sur le disque, c'est le petit anus de Bobby avec le château de chapeau d'hier. Et donc, là, on est 40 sur le Minitel. Ouais. Donc, sur l'IRC, on tu est... Tu veux que 4... trois messages ou pas? Non, c'est bon, on n'a pas besoin. D'accord. On s'en fout de vos messages. Hein. Vous êtes là, mais on s'en fout. Hein. D'accord. Si c'est pour répondre aux questions correctement, c'est bon. Si c'est pour dire des conneries sur les gens, c'est pas la peine. Hein. Non, sur IRC, on est racine de 5 879 968, c'est-à-dire exactement 4965. Oh, il manque 35 personnes pour dépasser les 5000. Pour atteindre les 5000. Chose qui n'a jamais été faite, donc j'espère bien que le débat va bien se passer, que ça va donner encore envie à des gens d'arriver. J'espère aussi. Je peux faire un message Minitel ou pas? Parce qu'il y a 43 connectés. Bah vas-y, dis. Donc il y a Tequila qui demande si New York c'est plus dangereux le soir que le jour. Non mais attends, c'est même pas la peine de parler de ça. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 5000. Il y a Manu qui vous attend. Il y a toujours les 24 lignes qui sautent là encore. Ouais, elles sautent, elles sautent. Et donc ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Jump. Alors, donc, je vais vous donner quand même encore des chiffres pour ceux qui ont un petit sondage, non, sur pour ceux qui vont se déplacer là tout à l'heure pour aller à leur travail. Alors, en Île-de-France, réseau banlieue intense sur train devrait circuler sur les lignes de Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare et Paris-Est, et 1 sur 4 sur Paris-Nord. Question RER, donc trafic RER A, trafic normal, RER en mer de crédit. C'est info, là. RERB, un train sur 4 sur la... Combien? Un train sur 4. RERB, ça m'intéresse, tu peux répéter, j'ai pas entendu. Un train sur 4 sur la branche nord, entre Gare du Nord et Roissy et Mitry. Interconnexion suspendue en Gare du Nord. Non mais il y a le Roissy bus quand même qui passe. Attention, le mouvement de grève engagé hier matin sur la branche... de l'Arve. Sur la branche de Gare du Nord Mitry pourrait se poursuivre ce matin. Question RERC pour ceux que ça intéresse toujours. Non. Un train sur train RERD, RERD, un train sur trois. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que tu peux donner les horoscopes du TGV Atlantique? Alors, TGV Atlantique. Pour les béliers seulement. Non, je parle pas TGV Atlantique, parce que même pas, je pense qu'ils en parlent pas dessus. Si, c'est en bas dans la Corse, vers la Corse. N'importe quoi, toi. Donc, on va récupérer, je sens le hareng. Eh, tu viens chez moi après, Gérard? Putain, lui, il commence à me gonfler. Ouais. Je sens le hareng, est-ce qu'elle est toujours là? Salut. Re-salut. Comme toi. Re-salut. Re-salut, caca de Pâques. Ouais, salut à toi, Lascar. Fromage de cul. Ouais, bonsoir, je voudrais parler à la fille qui était chatte en feu tout à l'heure. Allô? Chatte en feu? Ouais. Oui. Allô? Et Babington. Allô? Ouais, salut à toi, poète de l'an 2000. Alors, donc, allô, donc la question... Allô? Putain, mais il est chiant celui-là. Ah, il est revenu. Allô? Alors, donc la quatrième question, vous avez eu le temps d'y réfléchir? Non. Alors, pensez-vous... On n'a pas pu l'avoir. Ouais. Alors, je répète la question et on se calme. Là, il est 2h32 même. Mm. Donc, pensez-vous normal que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées ou autres lors des grèves? On va demander ça. Je vais te choper à la sortie de la radio, t'as ta gueule. On va demander à Babington. Attends, c'est relou. Ouais. C'est de la merde. On va te marrer. Babington. Ouais, ils ont raison les jeunes, mais faut les virer les vieux, ces vieux crottins de mammouth. Faut les tèges. Ouais. Babington. Faut les tèges, faut prendre leur place. Ouais, mais tu m'écoutes là. Ouais. Ouais, mais c'est bon, je t'ai dit, faut les virer tous les vieux. Bon, donc, apparemment, t'as pas envie de répondre correctement à la question, toi. Bah, c'est son avis, hein. Ouais, je t'ai dit que j'étais d'accord. La chatte en feu. Non, les chaudes. Sans t'énerver, est-ce que tu peux répéter la question? Oh non, il va se faire. Pensez-vous normal que les jeunes ne laissent pas leur place aux personnes âgées ou autres lors des grèves? Ben ouais, c'est normal. C'est normal, toi? Ouais. Alors donc, toi, tu laisserais pas ta place à une personne âgée pour qu'elle s'assoie? Ben non. Ben non, faut les virer. Ouais, ben d'accord. Elle paye quand même leur transport rigole, comme nous. Je rigole. Non, ils ont une carte vermeille. Fromage de cul. Ouais, non, moi, en fait, moi, sérieusement, je laisse ma place aux personnes âgées, c'est normal. Bah oui, moi, j'aimerais que quand je sois un petit peu plus vieux, qu'on fasse la même chose pour moi. Non, mais ça, je pense que c'est tout le monde a envie de faire pareil que toi. Ouais, mais là, j'entends des témoignages qui me laissent pas trop. Je suis désolé. Non, mais pourquoi? Attends, si non, je... Non, mais attendez. Non, je suis pas d'accord avec... Le jeune te laisse la place. Mais non, on n'est pas d'accord. À tout prix, c'est ça? Alors, quand c'est pour rendre un service, voilà. Excusez-moi les auditeurs, je peux pas laisser dire ça. Ça y est, j'ai trouvé celui qui foutait le bordel. Tu te paluches là Alors comme toi. À toi. Oui. Donc pour toi. Ah non, moi je laisse jamais ma place aux vieux dans les bus. Moi je trouve que les vieux faut les tuer à la naissance. Donc. Non mais attends, je vois, toi t'es vraiment dégueulasse alors toi. Non, je suis pas dégueulasse. Mais si, bien sûr. Prendre le bus à une autre heure, je veux dire, ils prennent toujours le bus quand il y a du monde dans le bus. T'as un petit peu de respect pour les vieux quand même, merde. Non. Oh, on se calme, vous laissez les gens répondre s'il vous plaît, merci. Donc à prendre des taxis, puis pue la mort quoi, c'est horrible. Voilà, on peut pas laisser dire ça, Gérard. Non, je sens le hareng. Ouais, non, moi je pense que c'est pas normal, parce qu'il y a aussi des personnes de 30 ans ou plus aussi qui laissent pas... Ils ne laissent pas leur place aux personnes âgées. Donc, il y a également aussi les femmes enceintes. Mmh. Les femmes enceintes, tu ne leur laisses pas la place. Ah si, de toute manière, la personne qui est enceinte, moi je peux... Oui, mais les personnes qui veulent s'asseoir, les gens, ils ne se laissent pas pour laisser la place à une femme enceinte. Mmh. Mais moi, je peux te dire une chose, que la personne âgée... va voir carrément le machiniste et demande à s'asseoir et fais-moi confiance que le machiniste, il a le droit de faire dégager une personne pour laisser la place. C'est vrai. Non, non, mais moi, je peux vous... Oh, vous me laissez répondre. Donc moi, je peux... Il y en a qui se marrent, Manu. Non, mais je sens que... Ben, ça recommence. Allô, bébé. Tony. Putain, Manu, putain. Je sens qu'il y a du Tony là-dedans. Ça, c'est encore lui. Donc, moi, je réponds. Attends, j'ai pas répondu. Non, mais attends, si, t'as déjà répondu, c'est toi. C'est qu'à 4 packs, j'ai pas répondu. Non, mais attends, toi, t'étais en train de jacquer pendant que tout le monde répondait, alors. Pas du tout. Alors, tu réponds? Bah, je voulais te dire qu'effectivement, il faut éliminer les cartes vermeilles, c'est clair. Il n'y a pas besoin de laisser des places dans les transports en commun pour les vieux croutons. Elle disait il faut les tuer à la naissance, moi je dirais même il faut les empêcher de se reproduire. Passer 80 ans. On parlait de l'odeur, ça fait la peau, mais il n'y a pas que chez les vœux, il y a aussi des gens de 38 ans qui sentent à 5 mètres. Ouais, il y en a qui puent la mort aussi à 38 ans. Voilà, ça sent la mort et ils n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent rien si ça sent le cercueil. Tu crois qu'ils sentent? Alors moi je réponds, maintenant ça y est, vous avez assez répondu, maintenant c'est à moi. Ok, super. Donc moi je peux vous dire une chose, qu'il y a les personnes âgées et... Putain, il commence à me casser les couilles ce mec. Donc je peux vous dire une chose, qu'il y a certaines personnes qui laissent pas les places, ça, je trouve ça dégueulasse de leur part. Et pour les femmes enceintes, ils vont s'adresser au machiniste, le machiniste lui laisse, demande à ce qu'on lui laisse la place. Et il y a d'autres personnes qui ont le droit, tout comme toutes les personnes âgées, de s'asseoir. Et les femmes enceintes, c'est les aveugles. Ouais, ok. Les aveugles. Bon, écrase toi. Rigo, une question. Oui, il y a Davy One qui te demande combien ça coûte une grève en euros et est-ce qu'il y a des réductions pour les cartes vermeilles et les militaires? Non, il n'y a aucune réduction pour tout ça. Combien ça coûte alors? Je n'en sais rien. Il fallait s'enseigner, Gérard, quand même. On n'est pas encore au moment de... Alors, lors des grèves... Ouais, il y avait un petit Larsen, hein. Manu. Manu. Non. Ouais, Pildar, fais le malin. Qu'est-ce qui se passe là? Fais bien le malin, toi. Alors, lors des grèves... T'es un pauvre type. C'est quoi ce son? Je sais pas. Ça vient d'où? Moi, ça le fait pas. Starfrey. Non mais Pildar, quand t'auras fini, tu vois? Non. Connard, dès qu'il arrive, tu l'arrêtes, alors fais pas chier ton monde, toi. J'ai rien fait, moi. Pauvre con, va. Ah, mais c'est mon beau con, attends. Et là? Non mais là c'est bon. Mais non, c'est Pildar qui s'amuse alors. Mais je vais t'inquiète quoi. Pas, il s'amuse. Il bon s'amuse depuis tout à l'heure. Moi de vous déranger, monsieur Lagrange, à l'appareil. Oui. Non, là, j'ai plus rien. Une nuit à l'hôtel Matignon. Non, il s'amuse, là. Il s'amuse. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, tout à l'heure, je vais t'éclater, toi, tu m'énerves. Les deux débats, c'était le bordel. Ouais. Non, mais on peut remercier Pildar. L'audience. Et lui, là, au standard, t'as mis le bordel, toi. Attends, je suis en train. Lui, c'est Manu. Je peux pas me concentrer avec tous tes pauvres sons. Ouais, c'est lui qui s'amuse aussi. Tu mets ça sur le doigt à Manu, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Gérard, je vais te choper à la sortie de la radio, t'as ta gueule. On va te niquer. Bon, ces bandes de petits cons, là, je les emmerde. Alors, lors des grèves, tripotez-vous les gens, les jeunes femmes ou des chiens. Ouais. Donc, c'est n'importe quoi le standard ce soir. Je suis dégoûté. Non, mais moi, je suis plus dégoûté parce que c'est toi qui fous plus ta merde. Non. Nuance. Alors, lors des grèves, tripotez-vous les jeunes femmes ou des chiens quand il y a les trains qui sont complets? On va demander à Babington. Tu viens chez moi après, Gérard? Babington. Ouais. Moi, je pense que ouais. Mmh. Tu peux préciser? Parce que c'est toujours le mercredi, c'est comme ça. Mmh. C'est toujours comme ça. Mmh. Donc c'est tout, toujours, c'est toute la précision. Voilà, mais c'est toujours complet comme ça. D'accord, la chatte en feu. Moi je te baisse. La chatte en feu, s'il te plaît. Je ne réponds pas à cette question. Alors dans ce cas-là, tu réponds pas à cette question, c'est terminé pour toi le débat. Au revoir. C'est terminé. Allez, hop. Au revoir pour elle. Alors, fromage de cul. Fromage de cul. Ouais, moi je fais quel intérêt de faire des grèves si on peut pas tripoter des nanas, je veux dire. Ouais. Non, c'est normal, c'est tout à fait. Ouais. Je suis sûr que toi, petit vicieux, tu l'as fait aussi quand t'étais jeune. Hein, ça m'est arrivé, oui. Raconte. Allez, raconte. Raconte tes premières expériences sexuelles dans le RER. T'inquiète pas. Bah vas-y, alors, raconte avant. Non. Toi, tu t'écrases. Les auditeurs, vous voulez qu'ils racontent? Écrase pour un sens, je demande aux auditeurs leur truc. T'inquiète pas. Ouais, raconte quand tu mettais les doigts dans le cul au chien, vas-y. Vas-y, fais pas la pute. T'inquiète pas. Ouais, bah je voulais dire que moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais te raconter une petite anecdote. L'autre fois, c'était genre dans l'ouest parisien et j'ai touché une espèce de grosse vache là avec des tresses qui sentaient pas très bon. Alors, t'inquiète pas, c'est même plus la peine. Terminé. Il a pas dit que c'était Sandy la grosse. Ouais, tu travailles. Attends, j'ai le droit de toucher des grosses qui sentent mauvais. Je me suis tapé des mycoses, des champignons sur les doigts. C'est pas ma faute, mais j'ai le droit. Non, mais c'est terminé pour toi. Pourquoi? C'est terminé, ça t'apprendra. Comme toi. T'as pas le monopole des grosses, hein, je te signale. Non. T'as pas le monopole des. Comme toi. Ouais, moi je touche pas les femmes ni les chiens. Mm-hmm. Ça me dégoûte un peu, mais bon, je touche d'autres trucs. Hein. D'accord. Ça te dirait de me tripoter. Oui, Tony. C'est bien parce que fromage de cul, c'était Tony. Et Tony, il fait les deux débats. N'importe quoi. C'est pas grave, enchaîne. Comme toi, donc c'était ta réponse? Oui, c'était ma réponse. Ok. Je sens le hareng, ou à moins qu'il y ait une question IRC. Non, on voulait juste te dire que même s'il n'y a pas grève, on peut tripoter les filles dans le train et pas que dans le train. Bah ouais. Ok. Donc, je sens le hareng. Je suis un drogué. Je me drogue à la frite. Je ne peux pas me passer de frites, c'est plus fort que moi, ça me rend fou. Je ne pense qu'à ça, manger des frites. Tu crois que c'est Manu alors que c'est toi qui viens d'allumer le truc? N'importe quoi, ça c'est pour régler le son du CD-ROM. Mais oui, un CD-ROM, pauvre con. Donc, hein. Je disais que je tripote les fesses des hommes parce que je regarde en premier chez un mec. Mmh. Et après, je regarde en premier chez un mec. T'as vraiment des goûts de merde. Non, mais il s'amuse. Attends, je sens le haron parce que là, Max, il vient d'arriver. Donc, c'était pour préciser que c'était pas pour se régler le CD-ROM qui s'amusait. C'est qu'il est en train de s'amuser à mettre une connerie là-haut. Salut, Max. Je sens le haron. Donc, toi, tu viens chez moi après, Gérard. Je sens le haron. Non, mais je te réponds, là. Mm-hmm. Donc, je te disais que je suis absolument les fesses des hommes. Ah, vas-y, Sandy, vas-y encore. Dans le tramway ou dans le métro. Mm-hmm. Et donc, je regarde. Vous laissez parler les gens ou quoi? Donc voilà, je t'ai répondu. D'accord. Si t'as pas entendu, tant pis. J'ai compris quand même ce que tu m'avais dit. Alors, pendant les grèves SNCF ou autres, les trains font-ils l'amour? On va demander à Babington. Babington. Oui, tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu avec le bruit. Alors, pendant les grèves SNCF ou autres, les trains font-ils l'amour? Ouais, je pense que c'est possible. Ouais, comment on peut répondre à ça? C'est possible techniquement. Possible. Techniquement. Mmh. Techniquement. Et par contre, je pense que ça arrive que sur certaines voies ferrées et pas partout en France. D'accord. Dans les grandes gares. Tony? T'es aussi comme tes pieds. Les trains, ils ont pas d'appareil génital. Non, mais Geneto. Merci, Tony. Geneto, si tu veux. Geneto. C'est des bateaux, Geneto. Parce que c'est transitif, c'est ça? Ouais. Ouais, ça se non, c'est transpirif. Ah, ok. Donc, alors, Pierre. Oui, Manu. Donc, on accueille Je t'écoute à la place de Caca de Pâques. Oui, allô. Et on accueille Slogan à la place de J'ai la chatte en feu. Les routiers, c'est tous des enfoirés. Là, c'est au pouvoir, enfoirés. Mais tu le calmes, c'est lui, slogan, ça, c'est slogan. Non, il est dans le débat de la grève, grave. Mais non, mais je crois que tu lui dis qu'il se calme. Non, mais il va t'écouter, il n'y a pas de souci. Ouais, donc, ouais, je t'écoute. Donc, Tony. Ouais, ça y est, j'ai répondu, ils ont pas d'appareil génital. Ok, alors, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute, GG. Non mais tu réponds à la question. Bah écoute, des trains qui copulent, non pas des masques, mais il y a quand même... on me laisse parler. Il y a quand même un maximum de gens qui sont enculés dans les chiottes de la LO. Alors je t'écoute, tu vois. On t'a très bien entendu, maintenant tu dégages. Au revoir. Moi j'ai une aventure. Voilà, c'est très bien. Alors comme toi... Ben non, les trains peuvent pas faire l'amour. Par contre, ça baisse sec dans les trains quand il y a grève. Ouais, ben ça revient presque à la... Sur quelle ligne? Ben, ça revient presque à la cinquième, hein. Tu as chez moi ce soir, Gérard. Ça revient presque à la cinquième question, ouais, ce que tu veux dire, hein. Quoi. Gérard, j'aime ton cul. C'est quoi la cinquième? Ben, la cinquième, c'était lors des grèves, tripotez-vous les gens en Arte. Il y a une différence entre tripoter et faire l'amour. D'accord. Tu fais l'amour sur quelle ligne, toi? Slogan, toi, tu veux répondre, là? RERB. Okay. La RATP, à nous en France. Non. Slogan, tu réponds à la question ou pas? Ben, j'ai vu que j'étais au standard. J'ai pas tout entendu. Alors, pendant les grèves, SNCF ou autres, les trains font-ils l'amour? Ouais, Gérard, tu peux répéter la première question du débat? Je voulais répondre. Attends, tu me laisses parler, s'il te plaît. Les trains font-ils l'amour? Tu me prends pour un con, quoi? Non, je ne les prends pas. Silence. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai dit, alors, hein? Pauvre tiave. C'est pas moi qui l'ai dit, slogan. C'est vraiment un bâtard, hein? Abruti, espèce de bâillon en douille, tu travailles? Non. Alors, c'était un... Il y a un autre slogan. Ouais, il y a un autre genre à l'antenne, là. Slogan. Ouais, bah je viens de répondre. Ok, alors, je sens le hareng. Alors, effectivement, je pense que les trains ont une vie sexuelle plus épanouie. Oh, ils peuvent faire ça à une vitesse plus rapide. Ils vont plus vite, quoi, si tu veux. N'importe quoi. Justement, ils peuvent avoir une vie sexuelle plus épanouie, vu qu'ils vont plus vite. J'aimerais te dire je t'aime à la loco. Ouais, j'aimerais problème. Te dire je t'aime quand je suis un travelot. Celui qui s'amuse à dire ça va se calmer. T'as compris ce que je t'ai dit, Gérard? Ouais, j'ai entendu. Donc il n'y a pas de problème. Ok, alors septième question. Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé, Gérard? Oui. Juste avant que tout le monde réponde, donc on accueille. J'ai des poux, sous les bras, j'ai des poux. Pardon, excuse-moi, c'est un peu compliqué. Et allô, bonsoir. Bonsoir. Et on accueille donc Couscous à la place de Badminton. Salut. Salut. Tu mets ça là-bas. C'est dédicace, hein, ce soir. Vous fermez vos gueules un peu maintenant. À tous les poseurs de mon. Alors, on salue sous les bras, j'ai des poux. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir. Et Couscous, bonsoir à toi. Eh bien, bienvenue dans les débats du jeudi, toi. Bonsoir à tous les bouteilles. Alors, donc, pourquoi faire. Bon, maintenant, vous allez vous calmer parce qu'il est 2h45 et je voudrais terminer le débat correctement. On peut savoir. Allô, ne quittez pas. Allô, bébé. Ouais. Oui. Ah, on peut savoir le nombre de personnes qu'il y a sur Internet. Puis le d'air, fais gaffe, parce que tout à l'heure, ça va mal se finir pour toi. Allô. Oui, on t'écoute. Allô. Allô. Ok, non, c'était pour moi. Oui, faites bonsoir, c'est au fond. Bon, fil d'art, tu dégages. Non, mais là, ça commence à bien faire, lui. Oui, faites bonsoir, c'est au standard, tu veux parler de quoi? Ouais, salut. Je vais passer à l'antenne, c'est quoi? Tu veux parler au doc? Bon, ça y est, c'est Manu, là, t'as vu? Gérard, on est 4131. Fil d'art, tu laisses pas aller rigoler, quoi? Tu fais bien con! 4131. Bon, moi, j'arrête le débat. On est 4131. Oui, c'est bon. Arrête. Non, mais là, c'est pas Manu. C'est Fildar qui le connaît. Bon, ouais. C'est Fildar, t'arrêtes maintenant. D'accord, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pas, ça va ou pas? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah, mais je crois qu'il y a un problème. Fildar, ça commence à bien faire. Il n'y a rien d'allumé. Ouais. Regarde. Un problème. Si, y a... Non, mais il s'amuse là-bas. Non mais c'est pas grave. De manière, c'est la dernière semaine que tu peux les débats, toi. Ça, c'est la semaine prochaine, c'est terminé pour toi. On verra. Non, il n'y a plus d'on verra, maintenant c'est fini. Deux semaines qui me foutent la merde, c'est pas la peine. Donc on est 4000. Arrêtez derrière. C'est quoi ce bruit qu'on entend? Je sais pas, Bon, on est 4321, c'est en train de remonter un petit peu, mais on n'atteindra pas. On n'atteindra pas les 3000 ce soir. Non, les 5000. Les 5000 ce soir, excuse-moi, je suis fatigué. Septième question. Je vais raccrocher, Gérard. Pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé? On va demander à Couscous. Ah, je sais pas, moi, je sais pas. Je vois pas le problème dans la Ok. Est-ce que tu fais des grèves, toi, Couscous, des fois? Oui, ça m'arrive. Tu fais des grèves de la faim, non? Ouais, j'ai déjà fait le ramadan. C'est des bombardiers. J'ai fait le ramadan, mais je me suis déjà fait aussi des grèves des poumons, des grèves du cœur, des grèves du foie. D'accord. Sous les bras, j'ai des poux. Eh ben, je suis en poids. Tu réponds? Mais tu réponds, je vois aussi. Tu réponds ou tu réponds pas? Bah. Tu réponds, c'est bien. Si tu réponds pas, Manu, tu prends. Alors, tu réponds ou tu réponds fort? Manu, tu le récupères, on va passer à slogan. Ouais, bah la question, ça trouve un peu trop sans sens. Bon, t'écoutes un petit morceau. Vaguelle ! Non, moi je réponds pas à la question. Je réponds pas à la question dans ces conditions, genre. Faudrait que tu mènes un peu mieux ton débat. Alors, slogan. Oui. Tu Répète-la. Vas-y, répète la question. Vas-y, c'est quoi la question? Ne jouiez pas. Pourquoi on va? Ouais, arrête tes conneries, tu veux? Ça va. Arrête tes conneries depuis tout à l'heure. Mais y a rien. Arrête. Parce que tu m'énerves. De quoi ça? Lance le gant. Ouais. Ah, il est content dans la maison. C'est la salade de Paris, là. Arrête. Bon, allez, hop, terminé. C'est même plus la peine de continuer le débat, j'arrête. Hop, terminé. Fildar, tu dégages, c'est fini pour toi. Moi j'arrête, je continue pas le débat. Bonsoir à tous, vous faites les conclusions. Couscous pour conclusion du débat. Non, tu dégages, je vois pas cela, c'est conclusion, c'est tout. T'as bien foutu ta merde lors des deux débats. Mais non. T'as foutu ta merde pour lors des deux débats. Partout. On fait ça pour Internet alors, fais-le pour Internet. Il y a encore plus de 4000 personnes, on peut peut-être continuer pour eux. Tu vires. Non mais je fais plus rien, je bouge plus. Je bouge plus. Alors, slogan, si tu veux répondre correctement à la question. Bah oui, mais il y avait tellement de brouhaha que j'ai pas entendu, alors faudrait que tu répètes. C'est pas possible. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ah ben, pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? Alors là, c'est une question bien difficile. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment. Non, mais tu Gérard, oui. Sur l'IRC, on me demande que tu répètes cette question, justement. Alors, pourquoi faire grève lorsqu'on est bien payé ? Gérard ? Au standard, on me demande aussi que tu la répètes encore. Non, mais alors là, ils me font chier, hein, au standard. Bah ouais, mais bon. Gérard, sur Minitel, moi, il me demande que tu fermes ta gueule. Ouais, bah toi, tu vas fermer ta grande gueule de con. C'est Minitel. Oh là là. Hé, hey, Gérard, tu penses aussi quand tu fais caca? Voilà pour les Minitel, ils fonctionneront plus. Ah, bien joué. Alors, slogan, si tu veux répondre correctement à la question, maintenant. Bah, je la trouve tellement compliquée. Bah, non, je pense que c'est pas utile de faire grève quand t'es bien payé. D'accord. Donc, Tony. Ouais, non, c'est pas les riches qui font grève, c'est les pauvres comme nous. Bah ouais, mais... Non, mais Tony. Oui. Est-ce que, à ton avis, toi, pourquoi que faire grève lorsqu'on est bien payé? Bah, non, mais tu comprends pas que c'est les pauvres qui font grève. Mm-hmm. C'est pas les riches. Les riches, ils n'ont pas besoin de faire grève, parce qu'ils ont déjà... Je pense que c'est pour emmerder les gens, tu crois pas? Elle est con, c'est pas la question ça. Ça n'a rien à voir avec la question. Elle a rien dans la tête. Viens là, la cinglée. Elle est con. Allez hop. Alors je vous préviens. Allez, Triso. Mais on prévient de rien. Allez moins conne que vous, parce que c'est répondre aux questions que vous savez pas répondre. Alors moi pour vous dire, oh vous fermez vos gueules maintenant. Merci. Alors moi, pour vous répondre, je sais pas pourquoi que ça sert de faire grève lorsqu'on est bien payé, vu qu'il y en a qui se touchent des briques par mois, hein, donc combien, à quoi que ça, combien des millions par mois, je me demande pourquoi qu'ils font grève, ça sert strictement à rien. Tu peux toujours réclamer 200 balles de tirations en plus. Et alors, ça dépend. Mais ouais, c'est pas possible. Conclusion. Je sens le harangue, tu se la bite, ça y est. Non, mais faut pas déconner, là. J'ai un problème au standard, là. Ouais, Donc, ouais. On s'est terminé, donc... Ouais, c'est rien terminé du tout, tu continues, allez, jusqu'à... Allez, c'est pas, mais pas la pute. Il y a un problème d'insert, quand même. Hein. Ouais, mais c'est bon, là. Si quelqu'un m'entend dans le CD-ROM... Excusez-moi, vous voyez, de quel côté, là? Ah, allô, je suis perdu, là. Ah, c'est mieux, déjà. Ah. On est où, là? Alors, conclusion. Gérard, avant de finir, quand même, il y a Davy One qui te pose une question. Est-ce qu'il y a des universités où on apprend à faire grève? Bah ouais, Gérard, c'est parce que c'est une université. Là, c'est merde encore. Personnellement, non, je pense pas, parce que de toute manière, même les lycéens font grève. Mais comment on sait comment il faut faire la grève alors? Ben, ça, c'est eux qui voient, hein. S'ils sont mal payés, ben, ils font. Non, grève. Non, mais c'est pas que ça. Je vais t'expliquer. Par exemple, t'es étudiant, t'as jamais fait de grève. Il y a quelqu'un qui dit, bon, on va faire la grève. Comment, si tu sais pas comment on fait, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu les suis, c'est tout. Tu les suis, tu fais quoi? Tu suis comme un mouton? Tu rentres dans le truc, et puis c'est tout. Tu les suis avec un chiffon, non? Mais non, tu fais comme il faut, et c'est tout. Donc, conclusion du débat, on va demander à... C'est bâclé, hein, ton débat, hein. Mais attends, qu'à moi faire le compte, ça serait peut-être alors, pas arrivé. Ça n'a rien à voir. C'est bon, bah c'est fini. Ah, je les coupe, ils gueulent. Couscous. Je viens juste d'arriver. Continue, Gérard. Non, c'est continue. Terminé. Allez, c'est terminé. Allez, une question. Mais arrête de faire mais continue ton débat. Encore une. Combien coûte une grève en général? Bon, laisse tomber, on conclut. Bon, alors, conclusion, Tony, conclusion. Allez, hop. Allez, conclusion. Merci Tony, c'était bien, bravo. C'est bien marré. C'est un peu trop le bordel quand même, hein. Faut le signaler là. Et qu'est-ce qui paye, c'est les auditeurs. Voilà. Donc, j'aimerais que la prochaine fois on fasse ça mieux que ça. Voilà, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Ok. GG. Ouais, c'est tout. GG. C'est qui? C'est Goldo. Qu'est-ce qui vient faire avec Goldo? Je sais pas d'où il sort. Slogan. Attends, je vais aller avec ma coupe volante, se respecte s'il te plaît. Slogan. Ouais, bon Gérard, je tiens à te dire sérieusement pour une fois. Plus t'avances dans le temps, plus c'est de la merde ce que tu fais, et il faudra que tu... C'est faux. C'est faux. Le prochain coup, on prendra pas. Ouais, tu resteras chez toi. Alors, sous les bras, j'ai des poux. Non, mais j'ai pas fini. Non, mais ça y est. Si, t'as fini. Sous les bras, j'ai des poux. Ouais, bah donc je continue avec ma soucoupe volante. Je voulais dire que tu mets tout sur le dos de Fildar, mais faudrait quand même un petit peu que tu te calmes quand même. Non, mais attends, qui c'est qui a foutu sa merde au premier débat? Bah, t'as quand même déjà la grosse qui aide pas du tout le débat quand même. Manu n'est pas grosse. Elle apporte pas des réponses très constructives et déjà tes questions volent pas très haut. Après, si tu mets ça sur le dos de Fildar, ça le fait pas. Mais attends, les questions de la grève. Fildar, il travaille, regarde-le, il travaille, il s'acharne et tout, et toi tu le tapes. Les questions de la grève, on les a revues et corrigées avec Rigaud et Manu, donc je vois pas du tout pourquoi que c'est de la merde. C'est tout. Pour faire du kickboxing avec Fildar. C'est terminé, ok, couscous. Ouais, bah le débat, il aurait été plus intéressant si t'avais pas trop gueulé sur tes standardis. Non mais j'ai pas gueulé sur mes standardistes. Manu il a bien fait son boulot au deuxième débat. Rigo il bosse toujours bien sur l'IRC, donc je vois pas au deuxième débat, je vois pas sur qui j'allais gueuler. À part Pildar qui s'amuse à passer des doubles sons, ça c'est tout. T'es d'accord, Couscous? Il n'y a pas de problème, mais Gérard, il y a quand même quelques conclusions sur l'IRC. Mm-hmm. On va pas lire les 4000 quand même. Alors il y a Turpentine qui dit que ton débat avait ni queue ni tête comme toi. Mm-hmm. Comme d'habitude. Il y a je sais plus qui disait qu'ils ont apprécié la grève de ton cerveau. Voilà, donc ça sert à rien de faire la grève. Mieux vaut tenter sa chance au Big Bill si on veut plus d'argent. Ouais. Si c'est pour insulter ses assistants et passer son temps à gueuler en bâclant les débats, GG devrait faire grève. C'est vrai, ça fera du bien que tu nous fasses une grève de débat. Ben c'est ce qui pourrait peut-être se produire. Ok. Et je voulais juste finir pour dire que le 13 décembre, il y a une grève planétaire des internautes contre France Télécom. Voilà. J'en reparlerai dans la semaine. Comme toi. Ouais. Donc pour toi, conclusion. Déjà, je vous fais tous des gros bisous. Mmh. Et puis, je voulais dire que tu pues la moule, faudrait mieux qu'elle aille chez elle, parce qu'elle a déjà les questions à l'avance, elle répond n'importe quoi, elle ne fait pas du tout avancer le débat. Ça commence vraiment à puer la moule. Tu pues la moule, reste chez toi, quoi. Ben, c'est simple parce que j'ai pas de. J'ai si, pas c'est de le poisson là, c'est le thon. Le hareng pourri. Hein. C'est le thon. Ah non, le hareng, pardon. Gérard. Mmh, c'est qui? C'est Pierre Fulin. Non, mais c'est bien. C'est de la merde, je sens le hareng pour conclure. Je sens le hareng. Allô, je sens le hareng. Elle est là. Allô. Hein? Ouais. Attends, hein, ce que j'ai dit? Non. Mais Gérard, t'attends la sortie de la radio. Donc, je te répète, parce que comme t'as pas entendu. Ouais. Donc, Gérard, je t'attends la sortie de la radio. Bon, celui qui s'amuse à dire des conneries, vous laissez parler des gens, merci. Gérard, je t'attends la sortie de la radio. Donc, ouais, je t'écoute. Et peut-être trop souvent quand même. D'accord. Bon, bah c'est pas grave, j'ai vaguement entendu ce que tu me disais parce que c'est coupé à moitié. Fudard, tu recommences? Non, mais tu recommences, c'est bien, mais ça c'est terminé pour toi. J'ai fait des bêtises, celui-là. Alors, on va s'écouter. Pour moi, la conclusion, quand même. La conclusion, c'était de la merde. C'est, le débat, c'était comme le premier. J'ai pas pensé que ça allait se terminer comme ça. C'est grâce à Fildar, quand même. Ouais. Parce que c'est lui qui a foutu sa merde. On termine avec combien de personnes sur l'IRC, quand même, Rigaud? Allô, Gérard? Non, mais. Oui, mais... Allô, Gérard? Non, Manu, là, fait quelque chose. Allez, putain, le mec, oh. Allô, Gérard? Attends, non, mais je peux pas parler, fille. Donc c'est bon. Alors, on a fini à 4563 personnes, ce qui est vraiment excellent. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est dommage. Bon, franchement, Gérard, il y a aucune radio qui a ça. Non, mais je pense que d'ici... Allô. On aurait pu faire mieux s'il y avait moins eu de bordel avec Fildar. Oh non! Tu te rends compte, Gérard, tu fais de la merde et t'as 4000. Ouais, non, mais 4000 c'est toi qui as foutu ta merde. T'as foutu ta merde sur les deux débats. Allô, Gérard? Il y en a que deux qui ont bien bossé, c'est Manu et Rigo, c'est tout. Il y a que qui bossent bien lors des deux débats. Alors, on va s'écouter. C'est clair, il n'y a même pas toi. Toi, tu bosses pas non plus bien. Et pour terminer, 2h58, on va laisser Rousseau pour la news sans pub. Demain matin, 6h, vous allez retrouver Bart. Allô, Gérard ? Et demain soir, 22h, vous allez retrouver le Star System. Et surtout, il y a des places à la loco. Et voilà. Il y a Jean de Nevers demain aussi. Il reste Jean des places de pour groupe, on peut en offrir là ? On peut en offrir. Et ben pour demain soir, ceux qui veulent venir à la loco avec le DJ Reguaya, je serai là. Puis il y aura également DJ Sinclair. C'est maintenant qu'ils appellent au standard. On va prendre les 3, 4, 5, 6 premiers. Avec la personne de leur choix, ils viennent gratos. Ouais. Ah, grâce à GG quand même. Et donc, et samedi, t'es où ? Tu peux préciser ? Samedi à Vannes, on est à Malverne. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous retrouve à la semaine prochaine et on s'écoute les poules du cirque Pinder avec du saucisson. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine.